起来，起来，起来，起来，起来，起来，起来。Suis triangulaire comme une lame sur ta jugulaire, vulgaire comme truand de la galère, et spectaculaire comme une guerre nucléaire. Mon vocabulaire n'a pas besoin de décodeur. J'te chambre comme une chambre à air.T'éclate comme une vipère de Niger, barbare comme un berbère, gère à grande échelle le trafic de PR, Eiffel de souche, Carlouche fait des trucs de ouf avec ma paire de babouche, vas-y touche mon stock de cartouches, mon calibre est trop gros pour ta bouche, mon style pique comme un porc épique, j'ai le tic stratégique.Tragique, qui nique les comiques comme un gros sadique. Plus de clic clic, direction les acédiques. J'vais faire le buzz sur internet pour ça j'te pèse comme une grosse tapette. J'vais faire du bip bip bip avec ta tête. Tu sens que tu piffes quand j'te raquette. Me dis pas si si, j'te dirai non non. Y'a pas d'itsizi, y'a pas de pardon. Si t'es pas d'ici, tu prends des coups de ponce. T'as pas de sifu, t'es un bolos, un bouffon avec mon style.Je te mets des hackies, je te ninique. Pas de minique, te fous la panique. Avec mon gun en plastique, bête et gratuite. La recette, mes lyrics en mode clash systématique. Je te mets des grosses baffes métalliques, des grosses mimimites. Comme un chirurgien dans sa clinique, je pratique ton autopsie, c'est en public. T'es qu'une pâle copie qu'on achète au Shopee. Et puis t'as pas de copain avec ta face de Yeti. Boum boum, allez viens que je te goûteComme une grosse poupoune jusqu'au dernier round. J'vais faire le buzz sur internet pour ça j'te buzz comme une grosse tapette. J'vais faire du bip bip bip avec ta tête. Tu sens que tu biffes quand j'te raquette. Attila, Attila, Attila, Attila. Bang, bang, j'te flingue, j'te rends dingueComme une grosse baltringue. Toi tu blagues sur ton blog, t'es un black, t'es un blog. Bap, tu fais pas le toutou. Victime, on t'attime sur mon ring. Bing bing, de l'hémoglobine. Et j'suis une machine, une usine qui te contamine, une bactérie, une saloperie qui manque pas d'autonomie. J'suis ton ami Mimi qui te fait harakiri. J'suis tellement chaud que t'as des cloques. J'te choque, j'te force, j'te mets des blocs, des disquettes, des grosses mastocs. J'ai des stocks de smock, ça nique, ça fort. Toc toc, le médoc, le traitement chocTrop traumatisé. Tu peux pas m'esquiver. Mon V8 débit des kilomètres, des kilobits avec un style de rime qui font mentir les statistiques. J'vais faire le buzz sur internet pour ça j'te buzz comme une grosse tapette. J'vais faire du bip bip bip avec ta tête. Tu sens que tu piffes quand j'te raquette. J'vais faire le buzz sur internet pour ça j'te buzz comme une grosse tapette. J'vais faire du bip bip bipAvec ta tête qui sent que tu kiffes quand j'te raquette. Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila, Attila,